Mes autres yeux. 22 mars 2070. Cher journal, il est encore tôt quand je me réveille. C'est mon deuxième matin. Deuxième parce que je me suis déjà réveillée aujourd'hui. Durant mon premier matin, j'ai passé de longues minutes à fixer le plafond de la pièce. Tout y était obscur. Je n'y vois pas très clair. J'ai des yeux pour m'aider. D'autres yeux, je veux dire. Ils viennent se poser sur les miens et grâce à ça, j'y vois clair. Je distingue les couleurs, les formes, la lumière. C'est comme ça dans notre monde. On nous donne des outils, des trucs pour nous aider. Enfin, c'est ce que disent mes mamans. Moi, j'avoue que je ne comprends pas tout. Je n'aime pas toujours mes deuxièmes yeux. Parfois, j'ai l'impression qu'ils m'isolent de moi. Je veux dire, de mon vrai moi, le moi qui n'y voit pas très clair. C'est un peu comme le deuxième réveil qui aboutit sur le deuxième matin. Ici, chez nous, c'est sacré. On se lève, on se tourne vers la fenêtre, vers la lumière, et on dit merci à VA, VA. Mes mamans disent que c'est notre amie, qu'elle veille sur nous et que grâce à ça, tout est accessible pour tout le monde ici. Moi, je ne comprends pas trop, mais comme on la remercie tous les jours à la même heure, je la surnomme Valeur. Ma copine A me dit que VA est une entreprise qui vend ses outils au monde pour rendre tout accessible, comme le gros bâtiment d'où vient la lumière. Moi, j'aime bien voir la lumière, mais j'aime bien aussi ne pas la voir. Le bâtiment, c'est Babel. On y va parfois avec mes mamans. Quand on rentre dedans, j'ai plus besoin de mes deuxièmes yeux pour y voir clair. Je vois tout, même la musique qui y passe. En fait, on parle pas, on ressent.